L'Institut international de recherche sur la radio et la magie vous souhaite la bienvenue dans cette émission radio. Magie politique. Cette création radiophonique se base sur les réflexions de la philosophe américaine Starhawk et plus précisément sur la pratique de la magie qu'elle développe dans son livre Rêver l'obscur, femme, magie et politique, premièrement publié en 1982, puis récemment traduit en français et publié aux éditions Cambourakis. Dans ce livre, Starhawk revient sur l'engagement à la fois spirituel et politique qu'elle exerce au quotidien en tant qu'activiste au sein de plusieurs groupes contestataires qui performent des rituels et des incantations très influencés par les pratiques féministes d'empowerment et les techniques d'organisation horizontale des anarchistes. Avec Starhawk, la magie est à considérer comme un pouvoir de transformation et l'exercice magique comme l'accroissement de notre pouvoir sur le monde. Cette émission est composée de lectures du livre « Rêver l'obscur », donc, et plus précisément de 4 extraits, intercalés par 3 petites fictions radiophoniques sur l'exercice de la magie politique. Il n'y a rien de plus sérieux aujourd'hui que de devenir capable, à notre tour, d'inventer collectivement des dispositifs qui nous protègent à la fois du désespoir et du cynisme, comme des paroles qui suspendent le cours habituel des choses et créent du possible. Si le premier acte de magie des écoféministes sorcières consiste à nommer ce qui fait peur, ce qui rend impuissante, le second consiste à nommer ce qui rend puissant. Nommer ce que l'on souhaite à la place. C'est ce que Starhawk appelle « créer une vision ». Nous faisons de la magie en visualisant ce que nous voulons créer. Starhawk attache une très grande importance aux récits qui structurent notre monde moderne, des rêves de conquête et de progrès principalement, et à la nécessité non seulement de les nommer, mais aussi d'en inventer d'autres. La magie a souvent été pensée comme l'art de faire devenir vrais les rêves, l'art de réaliser les visions. Mais avant de rendre réelle une vision, nous devons la voir. Nous devons avoir de nouvelles images à l'esprit, nous aventurer dans un paysage transformé et raconter de nouvelles histoires. Dans un futur proche, un groupe d'action citoyenne radicale composé principalement de jeunes adultes et d'adolescentes se réunit dans un parc situé juste derrière la mairie. Le parc est interdit d'accès pendant la nuit. Les membres du groupe d'action citoyenne radicale enjambent un à une le portail et installent leur matériel. Éclairés par la lune décroissante et par les vibrations du réverbère, ils sont venus en nombre, toutes et tous sont gantés et cagoulés. Yel dessine un système de cercles concentriques complexes sur la pelouse avec une bombe aérosol de couleur noire. Yel prennent leur temps et paraissent sereines. Même interdit, leur rassemblement ne peut être arrêté. Les flics sont occupés et les caméras ne fonctionnent plus depuis bien longtemps. Les artistes activistes se placent stratégiquement. Une jeune femme s'éloigne de quelques pas afin de pluguer son système son à l'alimentation électrique de la ville. Elle se rapproche du troisième cercle et complète la structure. Ils se prennent par la main, se regardent, puis ferment les yeux. Revenu universel. Revenu universel. Revenu universel. Revenu universel. Revenu universel. Revenu universel. Revenu inconditionnel. Revenu inconditionnel suffisant. Revenu d'existence. Revenu d'existence. Revenu minimum d'existence. Revenu social. Revenu de base. Revenu social. Revenu social. Revenu social. Revenu social garanti. Allocation universelle. Revenu de vie. Revenu de base. Revenu de vie. Revenu de base. Revenu de citoyenneté. Revenu citoyen. Revenu citoyen. Revenu de vie. Revenu de base. Dotation inconditionnelle d'autonomie. Dotation inconditionnelle d'autonomie. Dividende universel. Revenu universel. Revenu universel. Revenu inconditionnel. Revenu inconditionnel suffisant. Revenu d'existence. Revenu d'existence. Revenu minimum d'existence. Revenu social. Revenu citoyen. Revenu de vie. Revenu de base. Revenu social garanti. Revenu de vie. Revenu de base. Le sujet de cette émission est un appel au pouvoir. Un pouvoir basé sur un principe très différent du pouvoir sûr, c'est-à-dire de la domination. Car le pouvoir sûr est finalement le pouvoir du fusil et de la bombe, le pouvoir d'anéantissement qui soutient toutes les institutions de domination. Or, le pouvoir que nous devinons dans une graine, dans la croissance d'un enfant, que nous éprouvons en écrivant, en tissant, en travaillant, en créant, en choisissant, n'a rien à voir avec les menaces d'anéantissement. Il est à entendre au sens premier du mot « pouvoir », qui vient du latin populaire « podere », « être capable ». C'est le pouvoir qui vient du dedans, le pouvoir du dedans. Il y a beaucoup de noms pour le pouvoir du dedans, dont aucun n'est entièrement satisfaisant. Il est peut-être appelé « esprit », mais alors cela le sépare de la matière et cette fausse coupure fonde les institutions de domination. Il pourrait être appelé Dieu, mais le Dieu des religions patriarcales a été la source ultime et le dépositaire du pouvoir sûr. Je l'ai appelé immanence, un terme, à dire vrai, froid et intellectuel. Et puis, je l'ai appelé la déesse. Car les anciens mythes, symboles et images de la déesse comme l'enfantement, le tissage, la terre, la croissance des plantes, le vent, l'océan, la flamme, le tissu, la lune et le lait me parlent tous des pouvoirs de ce qui connecte, nourrit, guérit et crée. Le mot « déesse » gêne beaucoup de personnes qui se définiraient comme des politiques. Il implique une religion et peut être pris à tort pour un culte à un être extérieur. La déesse embarrasse aussi ceux qui se définissent comme spiritualistes ou religieux. Il évoque le paganisme, le sang, l'obscurité, la sexualité, les pouvoirs du bas. Oui, le pouvoir du dedans et le pouvoir du bas, de l'obscur, de la terre, le pouvoir qui vient de notre sang, de nos vies et de nos désirs passionnés pour le corps vivant de l'autre. Et les enjeux politiques de notre temps sont aussi des enjeux spirituels, des conflits entre des paradigmes ou des principes fondamentaux. si nous voulons survivre, la question devient « Comment renversons-nous non pas ceux qui sont actuellement au pouvoir, mais le principe du pouvoir sûr ? Comment donnons-nous forme à une société fondée sur le principe du pouvoir du dedans ?» Un changement de paradigme, de conscience, est toujours incommodant. Chaque fois que nous éprouvons la sensation légèrement effrayante, légèrement embarrassante, que produisent des mots comme « déesse », nous pouvons être sûrs que nous sommes sur le chemin d'un profond changement dans la structure et le contenu de notre pensée. Pour conférer une forme nouvelle au principe même du pouvoir sur lequel est basée toute notre culture, nous devons ébranler toutes les vieilles divisions. Les séparations confortables ne sont plus opérantes. Les problèmes sont plus vastes que ne l'impliquent les termes de religieux et politique. Ce sont des problèmes de connexion complexes. Car même si l'on nous a appris que les problèmes sont distincts, que le viol est distinct de la guerre nucléaire, que la lutte d'une femme pour l'égalité de salaire n'est reliée ni à celle de l'adolescent noir pour trouver un travail, ni à celle contre l'exportation d'un réacteur nucléaire vers un site de faille sismique près de volcans en activité aux Philippines, toutes ces réalités sont formées par la même conscience qui modèle nos relations de pouvoir. Ces relations, à leur tour, engendrent notre système économique et social, notre science, nos religions, nos idées à propos des hommes et des femmes, notre approche des races et des cultures qui diffèrent de la nôtre, notre sexualité, nos dieux et nos guerres. Actuellement, elle prépare la destruction du monde. Jane, Amir et Martin bossent ensemble depuis quelques années. Yel sont bons collègues et cultivent la même désaffection pour leur job. Yel font partie du service de sécurité du périph. Yel sont mal payés, mais surtout, ils ressentent les effets de leur environnement de travail sur leur corps. Ça les dézingue, ça les brûle, ça les rend fous. Jane crache du sang certains matins, et Amir multiplie les rendez-vous à la clinique pour trouver la source de son inconfort respiratoire. Et elles en sont persuadées, c'est le périph qui les suit jusque dans leur lit, au plus profond de leurs rêves. Et elles entendent le rendement incessant des bagnoles, vivent des bagnoles, respirent bagnoles. Et elles en crèvent déjà petit à petit. Et elles ont signé pour ce job. La précarité de leur situation ne leur permet pas de tout plaquer pour partir en zone verte. Depuis quelques mois, elles préparent leur vengeance. Une copine d'Amir les forme tous les dimanches à l'art de l'incantation. Aujourd'hui, elles sont prêtes et vont tenter leur chance. Foutre le bordel. Et tant mieux, le monde a bien besoin qu'on y foute le bordel. Il est 18h, le périph' est blindé, et elles quittent leur poste de travail et se retrouvent sur la petite passerelle au-dessus des trois voies. Et elles respirent avec difficulté, ressentent toutes les particules fines qui se dégagent du périphérique, qui les enveloppent et entrent dans leur corps par tous les trous. Du gaz dans le nez, dans la bouche, par leurs oreilles et leur anus. Ils sont remplis, leur peau est devenue perméable, tout en eux mute au contact des molécules chimiques du dioxyde de carbone. À force d'être en contact permanent avec cette micro-matière toxique, ne sont plus tout à fait humains, et elles sont hybrides, et elles sont périphes. Jane s'approche de ses collègues et prend leurs mains dans les siennes. Elle leur sourit. Carbone organique. Poussière terrigène. Nitrate. Sulfate. Ammonium. Carbone organique. Poussière terrigène. Nitrate. Sulfate. Ammonium. Sel marin. et elle scande chaque particule fine en suspension dans l'air, dont le diamètre inférieur à 2,5 micromètres, permet de pénétrer leur corps. Et elle les appelle, les accueille, les reçoivent, et s'ouvre complètement à ce monde gazeux. Leur rituel transforme chimiquement chaque molécule polluante et les mute à leur avantage. Et elle filtre et altère les émissions gazeuses et les permute en gaz hilarant. Ammonium. Sel marin. Protoxyde d'azote. Oxyde nitro. Hémioxyde d'azote. Gaz hilarant. Dopamine. Oxytocine. Hormone de plaisir. Endorphine. Sérotonine. Si la magie est l'art de provoquer un changement en accord avec une volonté, alors les actes politiques, les actes de protestation et de résistance, les actes qui disent la vérité au pouvoir, les actes qui poussent au changement, sont des actes de magie. Les organisateurs politiques aiment faire des distinctions entre les actions directes, celles qui essaient littéralement d'arrêter un processus malfaisant, comme un blocus essaie d'empêcher les travailleurs de charger les barres de minerais ou comme une grève essaie d'arrêter une usine ou une entreprise, et les actions symboliques, comme les marches, les manifestations, le théâtre de rue et les meetings, qui affirment quelque chose, mais n'ont qu'un effet indirect. J'aime définir une incantation ou un sort comme un acte symbolique fait dans un état de conscience plus profond. Quand l'action politique se déplace dans le royaume des symboles, elle devient magique. Si nous appliquons les principes de la magie à la politique, nous pouvons mieux comprendre les actions politiques et surtout les rendre plus efficaces. Une manifestation est un rituel. Elle a des éléments qui se répètent. Les gens se rassemblent et avancent en procession suivant un itinéraire. Leurs slogans sont en général simples, rythmés, ce qui fait monter un certain type de pouvoir. Ensuite, ils se rassemblent pour un meeting et écoutent des orateurs. Certains intéressants ou d'autres ennuyeux. Souvent, il y a de la musique et d'autres distractions. Finalement, tout le monde rentre à la maison. En 2028, l'organisation internationale Interweb Rituel a pris de l'ampleur. Ce service de vœux démocratiques est très puissant sur l'échiquier politique européen depuis qu'il a réussi son coup de maître pendant la crise économique de 2021. Ce service en ligne est une révolution citoyenne. Une vraie révolution puisque, depuis l'avènement d'Interweb Rituel, plus personne ne vote. C'est ça qui est fou. Ce service médiatique s'est substitué au débat citoyen et l'a remplacé par une plateforme de rituels politiques à choix multiples. Ça C'est la 5G qui a rencontré le processus démocratique. Et bam, ça donne Interweb Rituel. Bonjour, bienvenue sur Interweb Rituel. Solution magique, politique. Choisissez votre cause et laissez-vous guider. Tapez 1 pour administration et spiritualité. Tapez 2 pour permaculture et manifestation lunaire. Tapez 3 pour bien-être intersectionnel et autodéfense. Tapez 4 pour radicalisation et occultisme. Tapez 5 pour sexe, genre et floraison. Tapez 6 pour survie et mysticisme. Tapez 7 pour guerre et paix. Tapez 8 pour merveille communautaire. Tapez 9 pour physique et relaxation. Bienvenue sur le rituel physique et relaxation. Carnet de santé, émotivité, fatigue nerveuse, muscles, vieillesse, abus, globules blancs, cancer, intégrité, manque, peau, éveil des sens, méditation transcendantale. Méditation transcendantale pour résoudre problèmes sociaux, problèmes d'argent, problèmes familiaux, problèmes d'accès, problèmes philosophiques. Mettez votre casque sur vos oreilles et installez-vous confortablement. Relaxez-vous. Visualisez votre problème philosophique. Visualisez-le devant vous, sous forme sphérique et lumineuse. Écoutez attentivement ma voix. Ma voix se dissout dans les battements binauraux. Concentrez-vous. Soyez entièrement dévoué à la cause politique. Thank you. je définis la magie comme l'art de changer la conscience à volonté. D'après cette conception, la magie inclut la politique, qui a pour but le changement de la conscience et par conséquent la conduite du changement. La magie est un autre mot qui met les gens mal à l'aise. Aussi, je l'utilise délibérément, car les mots avec lesquels on se sent bien, les mots qui paraissent acceptables, rationnels, scientifiques et intellectuellement fiables, le sont précisément parce qu'ils font partie de la langue de la mise à distance. La magie peut être très prosaïque. Un tract, un procès, une manifestation ou une grève peuvent changer la conscience. La magie peut aussi être très ésotérique, mobiliser toutes les anciennes techniques qui visent à élargir la conscience, développer l'expérience psychique, aiguiser l'intuition. Quand nous pratiquons la magie, nous sommes toujours en train de faire des connexions, de déplacer des énergies, de nous identifier à d'autres formes d'être. La magie pourrait être considérée comme une science appliquée, basée sur la compréhension de la création de formes par l'énergie et de la direction de l'énergie par les formes. Pour le dire autrement, elle a pour cœur un paradoxe. La conscience donne forme à la réalité donne forme à la conscience. En ce moment, ma conscience est formée par de nombreuses réalités, depuis mon appartenance de classe jusqu'au degré de caféine dans mon sang. Je parlerais différemment si je ne pouvais pas payer mon loyer ou si je buvais du thé à la menthe au lieu d'un café noir. Votre conscience est en train d'être modifiée par la réalité de ces mots, de mes mots, qui ont l'autorité de la chose entendue à la radio. Vous les entendriez différemment si nous étions en train de courir ensemble dans le parc, avec moi dans un pull en loque en train de héler mes chiens. Oui, la manière dont nos consciences, la vôtre et la mienne aussi pendant que je parle, sont modifiées par ces mots, peut nous emmener à agir différemment, à faire d'autres choix, à utiliser notre pouvoir du dedans sur des modes qui diffèrent de ceux que nous utiliserions si nous pensions autrement. Et nos actions, nos choix, peuvent changer le monde autour de nous de différentes manières. La magie est un art. Cela veut dire qu'elle concerne des formes, des structures, des images qui peuvent nous entraîner hors des limites imposées par notre culture avec une efficacité que les mots seuls n'ont pas. Elle concerne des visions suggérant des possibilités d'accomplissement que n'offre pas un monde vide.